la vie. Ou bien moi tout ça yo raconté. C'est pas des toujours vérité. Brisez toute en génération. Et si vous même partez parti, oh non, vous partez que jamais perdu, je dis aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, attention, aïe, aïe, illusion, aïe, aïe, attention, oh non, non, ça. Même si vous faites tout du monde, vous pouvez bien virer.